Et chaque fois que je pars en vacances, je très peu au mythe de la France. Chaque fois que je ramène une nouvelle sable, coupé flanc en transe. Autant d'un mois, bluff nos frères, style, voilà les nouveaux riches. Détourner ce qu'on est par là-bas, les traditions, tout le monde s'en fiche. Paye des voitures à crédit pour montrer la réussite. Ramener du matos dans le G5, tout le monde félicite. C'est avec les drogues, mes ronds, elles vont jouer sur l'euro. Majestique, rêve d'Amérique, tout en vendant leur carreau. Mal Figaro titre, t'en vendant le frein d'atterrissage. La France est belle de loin, tant pis, tu piges pas le message. Combien sont morts, vouloir passer des trois du printard. Combien crachant, faire ses foutus pas plard. C'est pas terrasse, avant même voir le GCRAS. Vivre du rêve au cauchemar, dans ces voyages, au bout de l'angoisse. Marchand d'illusions, ceux qui se font du genre sur ça. Danger sur le port, les gosses errent comme des forçats. Wahdani, yana, wahdani. فنظر بنا مبواني وحداني أنا وحداني فنظر بنا براني وحداني أنا وحداني فنظر بنا مبواني وحداني أنا وحداني فنظر بنا براني une file d'attente, pour le consulat, le soleil frappe sur son visage. Pagna salade, dans la piste d'atterrissage. Les clandés qui t'affo heps, couchette après usage. 7 km, c'est par l'Europe, l'Afrique. L'utopie d'une richesse qui des familles là pour le fric. Il reste des semaines cachées dans une soupe. Casablanca, mon cousin me chante une foot ou le nous. Rien à foutre, on squatte la corniche. Tahiti pour le vacancier, le reste, mais elle pas. Tout des matos, tout est beau pour le touriste. Agadir, Marrakech, les gosses m'ont dit, regarde triste. J'ai pour son nez, c'est pour sniffer la colle. T'as le pédale, la zermie, fait que le diarrhée dans l'école. Tous ces gens qu'on accueille avec protocole. Franchis la frontière, l'Europe t'accueille avec un code. Wahdani, yana, wahdani. Fanoukour, bana, babouani. Wahdani, yana, wahdani. Fanoukour, bana, barrani. Wahdani, yana, wahdani. Fanoukour, bana, babouani. Wahdani, yana, wahdani. Fanoukour, bana, barrani. غربت البلاد الناس جداً ينعيد دين والنهار ما يجيني العاد لا تفكر لي يا مسينا فوتها أنا وياك يا مضحكنا يا نبينا عمري محال ننسى وحداني أنا وحداني فالغربة أنا مبواني وحداني أنا وحداني فالغربة أنا براني وحداني أنا وحداني des mirages. Nesbill Mohamed Lamine.